Monsieur Bull, frangin. Hein, hey, dis-moi, y'a qui à ce côté? Encore un bang de chez lui, 05, frère. Ok. Alien. C'est mon sang normal. Normal. Normal. Normal. Alien normal. Normal. Tu le monde normal. Normal. Dans ma vie, y'a des fois ça ou de la boisson, du coup une frite. Pour l'écriture, des capuches et des gris-gris. J'fais mes calculs, mes plaies en camouflage. J'prends pas de pilule bleue. Ici, y'a tout man. Des sourires en coin, des patates missiles. Des putschis dans loin, j'ai des pattes à midi. Les petits, on les croit, écoute les phases artistiques. J'ai des problèmes sur le dos. Prends un massage bitches. J'dors pas beaucoup, ma santé s'est tendue. J'perds le nord, j'viens de l'est. Et j'veux me barrer dans le sud. Ça tape dans le sucre, mange coup de tête patate. C'est tout deck ma life, et j'en ai couplet de malade. Je plus une bouteille à part. Ok, ma vie plus loin. Et j'suis encore bien loin, tu me pousses à ta part. J'suis tout sec, bâtard. En manque de vitamines, tu vas goûter le napalm. Ma moyen que tu rivalises, la bouche ouverte à table, man. Moi j'vis ma vie à la manière du Titanic. Mais tout reste à voir. On est frites du shit, pour un bout de rêve la night. J'vois que mon équipe s'active et que sa rousse pète là-bas. Moi j'ai pas la grosse tête, on parle de promesses. On se déglingue à la hostesse. Et y'a personne sur mon poster. Un sourire dans la fossette, man. J'ai le cœur qui bat pour mes couilles et j'suis sourd. Que la gueule qui parle, on a éclaté la vie. Ouais, canner l'arbitre, j'ai des comptes à régler. J'veux calmer la tisse. Marécage trite, parlez pas s'il vous plaît. Vous me saoulez d'avance et j'ai le moral six pieds sous terre. Allez baver sur WAM, les mythos j'm'en tape. J'ai un message dans mon verre et un stylo dans le crâne. Okay. Du niveau dans le rap, c'est pour les minots d'en bas. J'vais mettre un micro dans le cul, ça parle de kilos dans le parc. Pilote, parking, ouais, expert à procès ici. La pesant et gueulant, j'fais des stop-it. Ça teste les produits, déteste la police. Des guerres alcooliques, merguez et bonnes frites. Perfect et croquis, le rap j'vais le tarter. On me démarre à travers comme si j'avais pas vu Scarface. Mais c'est parfait, j'envoie le missile boy. Mon équipe tape la night, un peu comme Isidore. Je viens de la ville du jet d'eau et des bons combats. J'veux 3 kilos de bonheur. T'as pas un plan connard, j'me noie dans le canal. Mais bon, c'est pas un scoop. Alors passe-moi le cognac, mal mon foie crie au secours. C'est le moins 5, normal. Normal, 1, 2, normal. Normal, alien, normal. Normal, cul le monde, normal. Normal. Gloire à Dieu, j'suis pas un fils de pute. J'suis pas un fils de flic, mais juste un fils de la rue. C'est un des 05 et y'a peu de putes. Mais si t'en cherches une autre bise en cul, okay. Ouais mes gars, on n'est pas dupes et entraîne contre nous. Tu finiras vendu salope avec des coups dans le cou. Dans le check y'a pas de clown, mais juste des salauds de loup. C'est avec juste nos couilles qu'on opère nos coups, okay. Regarde les deux puces qu'on leur met dans le bout. Elles arrêtent pas de se plaindre, on se pot de car rouge. Nous on voit qu'on rouge et on baise les poules. Les pédales ne font que si c'est fermer leur bouche. Pour 2 grammes on te couche, 10 cinquièmes on te pousse. Appelle-moi pas cousu, je devrais te la mettre dans le boule. On tire avec des cartouches, on crée dans ta police tour. On est trop brave, petit, vas-y lèche mes boules. C'est moins 5, normal. Normal, 1, 2, normal. Normal, alien, normal. Normal, tu le monde, normal. Normal. Séance dédicace à mon poteau Zao, le poteau toujours, ok les gars. Hey, c'est du petit freestyle dans le secteur. Passe, viens, on est là. Y'a du niveau, y'a du level, frangin. Si tu veux passer, y'a le passage pour Movie Negro. Y'a le Mike, quartier général, frangin. Y'a même Cité J, on est à, on est partout. 05 frère, 1, 1, 1.